vengez Messalina !» Alors ce fut un choc effroyable, suivi d'une mêlée dont rien ne peut donner une idée, même approximative. L'affaire de l'explosion de la machine infernale n'était qu'un jeu de baby auprès de ce plantureux carnage. La bataille qui avait commencé avec une vingtaine de combattants se nourrissait incessamment de nouveaux venus. Olinda, la jeune grecque, dont l'absence a pu être remarquée, était en effet partie avec Mandina et d'autres pour battre le tambour dans les rues et avertir ainsi les malades du docteur Fandango. De leur côté, les animaux féroces des impasses, au moyen du tocsin, des feux allumés sur les collines, des décharges d'artillerie et de prospectus, avaient rassemblé les innombrables sectateurs du mal. On accourait, on se pressait de l'Orient et de l'Occident, du Midi et du Septentrion. Paris, en cette nuit fatale, s'était divisé en deux vastes armées. Il ne restait dans les maisons que les paralytiques et les personnes à l'agonie. Parvenus dans la rue de Sévigné, les deux queues distinctes ne se mêlaient point. Les ennemis de la morale éternelle et de la société montaient par l'échelle de corde. Les bonnes consciences gravissaient les marches de l'escalier. Et toujours, on ne peut évaluer à moins de 400 000 âmes les membres actifs de ce prodigieux conflit. Et jusqu'à présent, tout s'était fait avec un tel mystère que la police n'avait pas le moindre soupçon. Bien entendu, les malheureuses ouvrières composant l'atelier des piqueuses de bottines réunies avaient été foulées aux pieds et écrasées dès le premier moment. Elles étaient maintenant enfouies sous les cadavres à une très grande profondeur, car le résidu de la bataille s'élevait jusqu'au plafond et les nouveaux venus, pour s'entr'égorger, étaient obligés de se tenir à plat ventre. Les trois apprentis chorégraphes, toutefois, étaient parvenus à faire surnager la pointe de leur bottine droite. Et des deux côtés, toujours, il arrivait du renfort, les pieuvres mâles par l'échelle, les cœurs loyaux par l'escalier. Le sang suintait comme la cuvée dans le pressoir. Une chose singulière et même invraisemblable, c'est que Messa, Sally et Lina, malgré leurs affreuses blessures, étaient parvenus à se dégager. C'étaient des natures exceptionnelles. Ils s'occupaient tous trois à verser de l'élixir funeste et pernicieux dans les plaies béantes des blessés. Boulet Rouge avait fait un paquet d'Elvire et du cercueil d'enfant. Il avait pendu ce paquet à la fenêtre au dehors, de sorte qu'il était certain maintenant d'assouvir et ses désirs et sa vengeance. Il ne restait plus qu'un espace de 18 pouces entre les cadavres amoncelés et le plafond, lorsque Monsieur le duc de Rudelame Carthagène, revenant de voir jouer la poule, fit son entrée à la tête de ses gardes particuliers. Ce devait être le coup de grâce, car les bons cœurs commençaient à faiblir. Tous nos amis étaient engloutis, excepté Silvio Pellico, dont la tête respectable se montrait encore au-dessus du hachis humain. Mais à cet instant suprême, un coup de tonnerre éclata du côté de l'escalier. Une grande lueur se fit. C'étaient les deux prunelles du docteur Fandango. Il arrivait sans armes et portant encore sous son bras sa mère chérie, la princesse Troïka, des ruines de Palmyre. Tout changea de face aussitôt. Rien n'égalait la puissance de cet homme extraordinaire, dont nous n'avions pas abusé, parce que nous le gardions précisément pour les effets de notre dernier chapitre. Fin du chapitre 12, enregistré par Ezoie, en Belgique, en avril 2011.